c'est la même histoire. Quel que soit le choix, sa foire, faut croire qu'on ne doit pas le trouver, mais il faut le chercher. L'amour figé. C'est la même histoire, quelle que soit la foi et l'espoir, tout peut se briser, moment partagé. Reviens-moi, souviens-toi. Reviens-moi, souviens-toi. C'est la même histoire, quelles que soient les joies. C'est le noir qui l'a emporté, il l'a toujours fait. C'est vrai. C'est la même histoire, j'ai cru que c'était toi. Bonne poire, l'amour m'a piégé sur son échiquier. J'ai joué. Reviens-moi, souviens-toi. Reviens-moi, souviens-toi. C'est la même histoire.